السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل الكلام في دراسة رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah l'étude de l'épître Les Annulatifs de l'Islam du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons vu lors du dernier cours le huitième annulatif de l'islam, qui est le fait de soutenir et d'aider les polythéistes contre les musulmans. Et nous avons vu à travers cet annulatif les différentes catégories d'aide et de soutien aux polythéistes. À la suite de cela, l'auteur du livre a dit « Al-Tasi'u, man i'taqada anna ba'da an-nasi yasa'uhu al-khuruj 'an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kama wasi'a al-khadir al-khuruj 'an shari'ati Musa fa huwa kafir. » Il nous dit: quiconque a comme croyance que certaines personnes ont la permission de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Khadir, qui est sorti de la législation de Moussa, est un mécréant. À travers ce point, cet annulatif, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit que celui qui rend permis ou qui croit que le fait de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est permis a certes mécru. Ceci car Allah Azza wa Jal a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les gens, hommes et djinns. Il a également rendu obligatoire son obéissance à toute l'humanité. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses. Parmi ces preuves, Allah Azza wa Jal a dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Sourate Saba, verset 28. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dit: ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Sourate Al-A'raf, verset 158. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il a dit: أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ف فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. Il dit dans le sens du hadith, on m'a accordé cinq choses qu'aucun prophète avant moi n'a reçues. On me donne la victoire en infligeant la peur dans le cœur de mes ennemis à une distance d'un mois de marche. La terre m'a été rendue comme lieu de prière et moyen de purification. Toute personne qui doit prier dès l'entrée de l'heure peut le faire. Les butins de guerre me sont licites alors qu'ils ne le furent pas avant moi. On m'a accordé l'intercession et enfin, chaque prophète fut envoyé à son peuple exclusivement alors que je fus envoyé à l'ensemble des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, hadith rapporté par Muslim, il a dit « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » Il dit dans le sens du hadith « Par celui qui détient mon âme dans sa main, nul n'entend parler de moi parmi cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, ensuite meurt sans croire à ce avec quoi j'ai été envoyé, sans que sa place ne soit dans le feu. » Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. » Dans le sens rapproché du hadith, il dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. » Les compagnons dirent « Et qui est-ce qui refuserait d'y rentrer ?» Il dit « Celui qui m'obéit rentrera au paradis, et celui qui me désobéit aura certes refusé d'y entrer. » De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsque ce dernier amena au prophète des écrits anciens, des gens du livre, dans lequel il y avait des similitudes avec les paroles d'Allahu Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Wallahi, law kana Musa hayya, lama wasi'ahu illa tiba'i. » Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, si Moussa était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. » Au vu de tous ces textes cités précédemment, celui qui sort de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui refuse de le suivre, de lui obéir, sort de l'islam vers la mécréance, wal'ayadhu billah. Car avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a rendu obligatoire son suivi et son obéissance. Toutes les religions ont été abrogées avec le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc permis à personne de sortir de sa législation. Quant à la sortie de Al-Khadiru de la législation de Moussa alayhi salam, ceci est expliqué du fait que Moussa n'a pas été envoyé à Al-Khadir, car le message de Moussa alayhi salam est spécifique au peuple des enfants d'Israël. Le message de Moussa alayhi salam était destiné au peuple d'Israël et il n'était pas général à tous les gens. Al-Khadiru était sur une législation autre que celle de Moussa alayhi salam. Ensuite, les savants ont divergé sur le cas d'Al-Khadir. Est-ce qu'il était impieux ou est-ce qu'il était un prophète? La première parole est qu'Al-Khadiru était un prophète. Et ceci est la parole la plus juste. Ceci car Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate la caverne, فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Dans le sens rapproché des versets, ils trouvèrent en l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Surat al-Kahf, verset 65. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Al-Khadir a dit à Moussa, alayhi salam, « Wa ma fa'altuhu an amri »« Je ne l'ai pas fait de mon propre chef » Verset 82 de Sourate Al-Kahf. C'est-à-dire, je l'ai fait par ordre d'Allah, et ceci n'est possible qu'à travers la révélation prophétique. Quant à la base de cette histoire entre Moussa et Al-Khadir, et ce qui a été rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari, d'après Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, également ce qui a été mentionné dans Sourate Al-Kahf, la sourate, la caverne. De manière résumée, dans ce hadith, le prophète Moussa alayhi salam a prêché son peuple avec un discours. Certains lui ont demandé s'il y avait plus savant que lui. Il répondit alors non. Allah lui a alors révélé qu'il y avait un serviteur dans une certaine contrée qui avait une science qu'il n'avait pas et qu'il ne connaissait pas. Moussa alayhi salam s'est alors rendu vers cet homme pour rechercher et apprendre cette science. Lorsque Moussa arriva à cet homme, il lui demanda de lui apprendre ce qui lui avait été enseigné. Et cet homme était Al-Khadir. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet dans Sourate Al-Kahf, Sourate la caverne, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Un peu plus loin, il dit فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Jusqu'à la fin des versets. Dans le sens des versets, Allah Azza wa Jal a dit « Rappelle-toi lorsque Moussa dit à son valet « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Dussé-je marcher de longues années ?» Un peu plus loin, il dit « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. » Moussa lui dit « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» Jusqu'à la fin des versets, ou jusqu'à la fin de cette histoire qu'Allah Azza wa Jalla a mentionnée dans Sourate Al-Kahf. Al-Khadir ne fait donc pas partie de la communauté de Moussa alayhi salam, car Moussa n'a pas été envoyé à tous les gens. Voilà pourquoi Al-Khadir n'avait pas la même législation que Moussa alayhi salam. Quant au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à tous les gens. Il n'est donc permis à personne de sortir de sa législation. Il y a certes en cela une réfutation aux soufis, qui prétendent avoir atteint un certain degré qui les dispense de suivre les prophètes et messagers, et que eux prennent directement leur religion d'Allah Azza wa Jal et non du messager. Wal'iyadhu billah. Ils disent « Les messagers sont venus pour le commun des gens. Quant aux gens spécifiques, ils n'ont pas besoin des messagers, car ils connaissent Allah et ont un lien direct avec Allah. Ils prennent leur religion directement d'Allah, ainsi que d'autres paroles semblables, dans lesquelles ils disent qu'ils ne prennent pas leur religion des morts, mais qu'ils la prennent du vivant. » Voilà ce sur quoi sont les exagérateurs soufis égarés. Ils prétendent avoir atteint un rang qui les dispense du suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ils ne prient pas, ne jeûnent pas, n'accomplissent pas le hajj et n'œuvrent pas avec ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté. Et à l'inverse, tu les trouveras dans les turpitudes, dans la fornication, dans la consommation d'alcool et autres. Il se base sur cela, sur l'histoire de El-Khadiru et de Moussa alayhi salam. Et ils prétendent faussement qu'ils ont atteint Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, c'est auprès d'Allah que nous cherchons le refuge. Voilà ce que l'auteur a voulu en mentionnant cet annulatif de l'islam, qui est une réfutation à cette secte des soufis égarés. D'ailleurs, Cheikhul Islam, rahimahullahu ta'ala, a rapporté le consensus des imams de la communauté sur la mécréance de celui qui croit qu'il est permis de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, rahimahullahu ta'ala, celui qui prétend ou qui croit qu'Allah a des hommes spécifiques qui n'ont pas besoin de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui se passe de lui, comme El-Khadiru avec Moussa, est certes un mécréant, apostat, sorti de l'islam, selon le consensus des imams de l'islam. Voici de manière résumée le neuvième annulatif de l'islam. Fanaktafi bihadha al-qadr. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous clôturerons cet épître. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته